Les récoltes de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Yasmine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les récoltes. Sitôt que le soleil dans le matin luisait comme un éclat vermeil sur un saphir immense, que dans l'air les oiseaux détaillaient leur romance, la ferme tout entière au travail surgissait. Un va-et-vient mêlé d'appels hâtifs bruissait, et les bêtes de cour en farfouille, en démence, courant, sautant, volant, mêlés d'accoutumance, leurs cris et leurs folies à ce bruit qui haussait. Et dès l'aube, on partait ensemble au long des haies, sarclés des champs de lin, entourés de soleil, coupés, tassés, rentrés le foin par chariot. Là-haut, chantaient Pinson, Tarin et Loriot, les plaines embaumées au loin, et gare et gouge, tachaient les carrés verts de camisoles rouges. Fin de Les récoltes.